salutations à toutes et à tous. Je vais faire cette vidéo sur mon expérience dans l'ésotérisme et peut-être plus particulièrement en magie, car j'ai vu sur internet qu'il n'y avait pas d'avis nuancé sur la question. C'était soit du pour ou du contre, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à distinguer, à nuancer. Et donc j'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo. Maintenant, certaines choses que vous allez entendre vont peut-être vous sembler incroyables, dans le sens peu crédible, mais je jure sur ce que j'ai de plus cher que tout ce que je vais, dont je vais débattre ici est purement authentique. Ça, c'est vraiment mon parcours tel qu'il s'est déroulé. Bien voilà, entrons dans le vif du sujet. En 1998, je suis en train de faire mes études à l'école normale de Mons. Et je vais très vite développer un cercle de copains, d'amis, de potes, quoi, d'école. Et d'autant plus large que, étant musicien, je vais être embauché dans un groupe local pour jouer du synthétiseur, étant claviériste. Et je vais même fonder mon propre groupe. Donc je vais être vraiment être très occupé. Mais en 1998, un ami va me montrer le film Pi, hein, Pi donc le symbole mathématique correspondant au nombre 3,14, etc. Va montrer le film Pi réalisé par Darren Aronofsky, à qui l'on doit notamment les magnifiques Requiem for a Dream ou plus récemment The Wrestler avec Mickey Rourke. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails du film Pi parce que je vous invite vraiment à voir ce chef-d'œuvre cinématographique qui met en scène un mathématicien de génie mais qui vit reclus et comme un ermite en fait, et il passe ses journées avec son ordinateur ultra puissant qu'il a construit lui-même à essayer de trouver une séquence répétitive dans le nombre pi. Donc il va vite devenir la cible des requins de Wall Street, car ceux-ci pensent que s'ils arrivent à trouver la séquence répétitive, on pourra prédire les comportements des actions en bourse. Ça, je n'y connais pas grand-chose, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais ce mathématicien va être aussi harcelé par des juifs ultra-orthodoxes qui pensent que la répétition dans le nombre pi serait le véritable nom de Dieu. Compte tenant du fait qu'en hébreu ancien, chaque lettre a une valeur numérique. Voilà, puisqu'il n'y a pas de système, il n'y a pas l'équivalent d'un système de numérotation arabe, hein, bien entendu, dans l'hébreu ancien. Je vais voir ce film qui va complètement changer ma vie. Je vais être séduit par la cabale, voilà. Mais on est alors fin 98, début 99. Il y a quand même les cours à l'école, il y a les stages, il y a la partie la plus amusante, les guindas, les sorties. Mais la cabale va rester quand même comme ça dans un coin de mon esprit. Donc, étant à Mons, je rentrais quand même régulièrement dans ma ville natale, c'est-à-dire Charleroi, pour y aller saluer ma famille. Et donc, va s'ouvrir à Charleroi une boutique, vers la fin, je vous dis en 99, une boutique ésotérique. Alors maintenant, ça peut peut-être sourire ou faire sourire d'entendre que waouh, c'était un événement, l'ouverture d'une boutique ésotérique. Eh bien, il faut quand même savoir que pour une ville comme Charleroi, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, le commerce sur Internet était encore qu'à ses balbutiements, Et ayant discuté avec des occultistes locaux, ce qui arrivera plus tard quand je ferai des connaissances et des rencontres, il me disait avant, pour avoir des ingrédients ou certains accessoires nécessaires à la pratique ésotérique, il fallait se déplacer à Bruxelles, sinon c'était pas la peine, quoi. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas tellement d'autres alternatives. Donc cette boutique ésotérique à Charleroi sera plus que la bienvenue. Et donc je vais aller dans cette boutique et je vais rencontrer le patron qui est aussi le vendeur, un vieux monsieur vraiment charmant, et je vais lui dire, écoutez, voilà, j'aimerais bien étudier la cabale, mais je n'ai pas de base en la matière. Et il va me proposer tout de suite un petit livre, plutôt une espèce de carnet comme ça. Et honte à moi, c'est que j'ignore totalement, j'ai totalement oublié le titre de ce livre ainsi que le nom de son auteur. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était un très bon ouvrage, que je n'avais pas payé très cher. Et à mon avis, nous avons dû le perdre quand nous avons déménagé avec mon épouse à un moment donné. Il a peut-être été resté dans un carton qu'on a acheté et qu'on n'aurait pas dû, enfin, mais je ne l'ai plus jamais retrouvé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et je me pose la question de savoir si le hasard existe vraiment. Mais toujours est-il que le vendeur de la boutique m'a dit que justement, il a installé une petite salle de conférence en arrière-boutique et il organise une conférence sur la cabale, une histoire comme 3 semaines plus tard, je crois, je ne sais plus. Et donc je me rends à cette conférence et vraiment je bois les paroles du conférencier. Je suis vraiment fasciné par la cabale et je me dis voilà, c'est la voie que je désire prendre. Donc je vais acheter livre de cabale sur livre de cabale, je vais me procurer le film Pi. Bon, tout ça peut sembler, ça fait beaucoup d'argent peut-être, mais croyez-moi que de l'argent qui est investi dans la connaissance, c'est toujours un bon placement et qui vous servira toujours à un moment donné ou à un autre de votre vie. Et puis donc voilà, comme je vais lire des livres l'un après l'autre, et je me rends compte qu'il n'y a pas que la cabale. Je vais aussi m'intéresser aux sciences dites hermétiques, donc tout ce qui tourne autour de Hermès Trismégiste. Je vais découvrir l'alchimie, je vais découvrir le symbolisme, les différentes formes de symbolisme. Je vais même m'intéresser à la franc-maçonnerie, même si à l'époque j'avais une voix, comment vais-je dire moi, une vision populaire, sinon pas populiste, de cette dernière, en croyant que la franc-maçonnerie était réservé qu'à des personnes influentes en société et surtout qui avaient un portefeuille bien garni. Heureusement, le futur me contredira là-dessus, et tant mieux. Puis bon, arrive la fin de l'année 2000, enfin le milieu de l'année 2000, j'obtiens mon diplôme d'éducateur spécialisé et 2 mois plus tard, je trouve déjà mon premier emploi. Donc beaucoup de choses se passent. Et là, je dois dire que mon cheminement va se faire un peu plus lent parce que je vais être très occupé au niveau professionnel et aussi avec mon groupe de musique qui va plutôt bien marcher, quoi, hein. Bon, on va faire des concerts régulièrement, très régulièrement. Puis en 2002, je vais rencontrer dans le train celle qui deviendra mon épouse. Hein, donc à l'époque, je dois dire que mon cheminement spirituel était toujours bien là dans un coin de ma tête, mais c'était surtout l'amour que j'avais en tête, et c'est finalement la plus belle des choses. Mais n'empêche que j'avais parlé à mon épouse de mon intérêt pour ces choses-là, l'ésotérisme, etc. Elle n'y avait vu aucun mal, si ce n'est qu'elle est une athée ultra-rationaliste et fermée à toute forme d'ésotérisme. D'ailleurs, moi-même, je dois dire que avant de découvrir la Kabbale, j'étais devenu athée depuis l'âge de mes 12 ans et aussi fermé à la spiritualité. Mais la vue du film Pi, j'insiste là-dessus, m'a complètement transformé, quoi, complètement. Donc voilà, nous sommes déjà à l'année 2002 et je recommence mes lectures. Et donc je commence à m'intéresser même à la magie, hein, aux différentes formes de magie. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux dits sociaux, Facebook et compagnie. Tout se passait sur des forums internet ou alors sur les fameux Yahoo Group. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était très populaire à l'époque. Hein, donc moi j'étais sur un groupe justement dédié à tout ce qui était ésotérisme, Rose-Croix, franc-maçonnerie, martinisme, etc., magie, bon. Et je vais être actif sur ce groupe. Je pense que c'est en 2000... En 2004, je vais vouloir m'intéresser vraiment à la magie, mais je vais me rendre compte que c'est pas facile à faire tout seul, à faire seul, et je vais sentir le besoin d'être guidé pour le faire. Et je vais apprendre qu'il y a une célèbre école de magie qui s'appelle l'Ordre Hermétique de la Golden Dawn, donc The Hermetic Order of the Golden Dawn. Qui a existé, je vais apprendre son existence, mais en fait l'école n'existe plus, puisque The Hermetic Order of the Golden Dawn a été dissoute en 1905, mais enfin subsistent toujours de nombreuses survivances, et je vais être mis en contact avec The Magical Order of the Golden Dawn, donc l'ordre magique de la Golden Dawn. Et il faut savoir que dans la Golden Dawn, il y a trois ordres. Le premier ordre est dit ordre extérieur. Le deuxième ordre est dit ordre de la rose rouge et de la croix d'or. Et le troisième ordre s'appelle l'ordre des chefs secrets ou ordre des chefs invisibles. Mais seulement, je vais avoir des contacts avec eux, des personnes charmantes, qui vont me dire, écoutez, pour ce qui est de l'ordre extérieur, il n'y a aucun problème. On peut travailler via par correspondance. Mais ce n'est pas possible pour l'ordre intérieur parce que là, il y a transmission de pouvoir de l'initiateur à l'initié et on ne peut pas transmettre ces pouvoirs-là par correspondance. Moi j'ai trouvé ça très honnête de leur part d'être clair dès le départ. Mais je vais néanmoins suivre les enseignements de l'ordre extérieur et pour un prix tout à fait raisonnable, puisque j'aurai entre guillemets un forfait de 65 dollars à payer, c'est quand même pas grand chose. Donc voilà, donc ça c'était en 2004. En 2006, toujours sur le Yahoo Group, je vais faire la connaissance d'un homme, un Belge comme moi, qui va se présenter comme étant franc-maçon et martiniste et qui va me dire pouvoir m'aider à entrer en franc-maçonnerie. Mais étant d'un naturel méfiant, je vais premier me limiter à des échanges par mail, puis à des conversations téléphoniques pour enfin le rencontrer. Et comme il habitait, je suppose qu'il habite toujours dans les Ardennes, et moi, j'étais revenu sur Charleroi, mais on va décider de faire chacun la moitié du chemin. Il va venir jusque Liège et moi je vais venir jusque Liège également. Et nous allons nous rencontrer autour de plusieurs tasses de café. Et alors il va m'expliquer. compliqué, qu'il est membre d'une obédience en France, mais qui vient seulement de se constituer, et qu'elle désirerait s'implanter en Belgique. Et donc, il me propose d'aller me faire initier à Paris, puis de suivre les tenues. Faut savoir que tenue est le nom qu'on donne à une réunion maçonnique, d'aller suivre les tenues à Paris une fois par mois, mais que très rapidement, nous aurons le nombre voulu pour fonder une loge en Belgique. Moi, personnellement, ça va pas trop m'arranger, même si c'est qu'une fois par mois, à me taper Paris, j'ai pas trouvé ça très top, d'autant plus que là, en tant qu'homme marié, puisque je me suis marié en 2005, j'ai oublié de le préciser, dire tous les, je sais pas moi, une fois par mois, à Chouchou, je me casse à Paris, salut, alors qu'avec cet argent-là, on pourrait se payer du bon temps tous les deux. Enfin, ça ne va pas, cette histoire de loge comme ça, nouvelle loge, ne va pas me plaire du tout. Mais, et j'aurai raison, le futur me donnera raison, puisque tout ça tombera à l'eau, il n'y aura pas de loge en Belgique, et je ne citerai pas l'obédience, mais elle n'aura pas un très bon futur en France non plus. Mais par contre, ce monsieur va me parler du martinisme, et va m'expliquer que c'est une voie initiatique où on apprend l'ésotérisme judéo-chrétien, la gnose, la cabale, ce qui va faire écho, va avoir une résonance en moi-même. Et puis le martinisme, je vais dire, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il va y avoir un petit problème, c'est que il y a quatre grades dans le martinisme. Donc il y a le grade d'associé, puis d'initié. Dans certains groupes, ce grade porte le nom de mystique, mais en général, c'est le terme initié qui est employé. Le grade de SI, on n'a pas la traduction exacte, mais la tradition martiniste dit que ces lettres veulent dire supérieur inconnu. Et un grade administratif qui s'appelle SII et qui signifie supérieur inconnu initiateur. Donc en gros, un supérieur inconnu qui a le droit d'initier. Et donc je vais recevoir ce monsieur qui m'a approché n'étant pas initiateur, va pas pouvoir m'initier. Je vais recevoir une initiation libre. C'est une chose qui est possible en martinisme, c'est-à-dire en dehors de toute structure, vous rencontrez un initiateur et qui vous initie. Maintenant, pour les rituels, si vous cherchez les rituels martinistes sur Internet, vous allez les trouver très facilement, mais vous allez tomber sur les rituels tels qu'ils étaient fin du 19e siècle, c'est-à-dire à l'époque, ils étaient quasi une copie conforme. De la franc-maçonnerie. Il y a une raison derrière ça, mais enfin, ce serait beaucoup trop long. Je voudrais faire rien qu'une vidéo sur le sujet. Ces rituels-là vont évoluer considérablement, si bien qu'aujourd'hui, un rituel d'initiation martiniste n'a franchement plus grand-chose à voir avec une initiation maçonnique. Et puis, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, moi, ce qui va me surprendre de manière plaisante dans les rituels martinistes, c'est à la fois la simplicité, mais toutes les choses qui sont transmises d'une manière très simple et qui sont sujettes à méditation qui peuvent prendre des années. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire dans le martinisme. Et donc, je vais être reçu au premier degré, donc associé, puisque eux, ils ne parlent, en réalité, on ne parle d'initiation qu'au second degré, le premier degré étant une réception. Donc, je vais être reçu associé et je vais pouvoir fréquenter le cercle du monsieur que j'avais rencontré, là, des Ardennes. Donc, ce qui diffère un cercle d'un groupe, c'est qu'un cercle est dirigé par un supérieur inconnu, mais qui n'est pas initiateur, donc le cercle ne peut pas initier, Tandis qu'un groupe est dirigé par un supérieur inconnu initiateur et peut donc initier. Voilà, c'est la différence. Mais moi, je vais participer aux réunions d'un cercle. Et déjà, je vais me présenter, voilà, et bien avant que la réunion commence, quand je vais rentrer dans le local où va se dérouler la réunion, donc on peut dire le temple, je vais ressentir quelque chose de très fort, pas vraiment désagréable, mais de très fort, comme si j'avais quelqu'un qui appuyait lourdement ses mains sur mes épaules, et puis je vais savoir cette impression de quasi électricité statique dans l'air, enfin quelque chose de très fort, voilà, c'était très dur à expliquer, mais enfin bon, ça va, sur le moment, ça va beaucoup m'étonner. Et donc mon contact, hein, enfin je devrais dire allez, mon frère, mais bon, plus les coups de couteau qu'il me donnera dans le dos par la suite, j'ai un peu du mal à dire mon frère aujourd'hui. Mais enfin, soit mon frère à l'époque, qui m'avait approché, me dira que l'ordre martiniste est chapeauté par les maîtres passés. Et donc, moi, je vais demander directement ben, qui sont les maîtres passés. Et il va me dire que ce sont. Donc, le martinisme prône et enseigne la réincarnation, comme pratiquement les ordres initiatiques d'ailleurs, sauf en franc-maçonnerie, j'en ai jamais entendu parler. Et que donc, ce sont des initiés qui sont déjà tellement purs, tellement avancés, qu'ils n'ont même plus besoin de se réincarner dans des. Comment vais-je dire, moi? Dans des corps humains, il y a plus, donc ils continuent à être présents dans l'astral et ils sont là pour apporter la paix, la concorde, ainsi que leur énergie positive sur les martinistes, martinistes encore incarnés, si j'ose dire, et que d'ailleurs ce frère va me montrer que pendant une réunion martiniste, on laisse toujours symboliquement un siège vide pour le maître passé qui va descendre sur la réunion pour diffuser ses énergies positives. Donc voilà. Maintenant, je vais faire tout de suite une parenthèse avec les maîtres passés. C'est que on en parle dans énormément de traditions ésotériques. Dans la théosophie, on vous parle des maîtres de sagesse. Dans le New Age, on vous parle des maîtres ascensionnés. Dans certaines branches de la Rose-Croix, on parle des frères aînés de la Rose-Croix. Il faut faire de toute façon, même si oui, dans la Golden Dawn, on vous parle des chefs secrets ou bien des chefs invisibles. Eh bien, il faut savoir que toutes ces appellations, en fait, désignent le même groupe devrais-je dire, de créatures, oui, peut-être, créatures, donc que ce soit, quel que soit le nom qu'on leur donne, c'est la même boutique, quoi, hein, et c'est toujours la même histoire des personnes tellement hautes qu'elles n'ont plus besoin de s'incarner dans des corps faits de chair et de sang. Enfin, voilà. Donc, le martinisme va beaucoup me plaire, mais ça ne va pas empêcher qu'en dehors des réunions martinistes, moi je vais continuer à la magie avec la Golden Dawn et je vais m'intéresser, grâce à des lectures, à des formes de magie de plus en plus poussées jusqu'à arriver à. Non, je dois dire quelque chose avant de très important par rapport au martinisme. C'est que je vais atteindre le grade de supérieur inconnu et mon initiateur, le jour de la cérémonie se passe bien, et à la fin de la cérémonie, il va se passer quelque chose de très troublant. Il va mettre son bras sur mon épaule et va me chuchoter à l'oreille alors qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, que voilà, maintenant les maîtres passés vont me parler. Mais il m'invite, mais qu'il m'invite à toujours être très prudent avant de faire ce qu'il demande. Ah, bon, ça va quand même me mettre un peu mal. Parce que je me dis, on nous vend les maîtres passés comme étant tellement bienfaisants, voulant nous aider, voulant maintenir la paix, la concorde entre nous, et tout ça, on nous les vend de manière waouh, merveilleuse, tout est rose, tout est violet. Et maintenant que je suis supérieur inconnu, on me dit que je dois me méfier des maîtres passés. Donc là, j'avoue que ça me perturbe un peu. D'autant plus d'un frère qui a derrière lui une bonne trentaine d'années dans le martinisme, mais bon, c'est comme ça. Et là, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je continue mon travail avec l'orgue magique de la Golden Dawn, mais je vais me mettre de lecture en lecture, je vais finir par lire des livres qui traitent de magie démoniaque, carrément. Et là, les maîtres passés vont me parler. Mais quand ils vous parlent, ce n'est pas, c'est pas schizophrénique. C'est-à-dire que vous n'entendez pas des voix dans votre tête subitement. C'est-à-dire qu'il y a une alternative. En fait, ils induisent des pensées dans votre esprit. Alors, soit ils induisent des pensées et vous font clairement savoir que ce sont eux qui sont à l'œuvre, ou ils induisent des pensées sans vous dire quoi que ce soit, et là, vous avez le sentiment que la pensée en question, elle vient de vous. Sauf qu'en réalité, elle ne vient absolument pas de vous. Elle est induite, entre guillemets, implantée, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et donc, je vais m'intéresser à la magie démoniaque qui ne va pas me déplaire, et là, les masques vont tomber. C'est-à-dire que je vais recevoir un message très clair des maîtres passés qui vont dire, ah bien voilà, tu as découvert le secret, nous devons nous dévoiler, à toi, nous sommes des démons. Les maîtres passés vont carrément m'avouer qu'ils sont des démons et qu'ils n'ont strictement rien à voir avec des initiés qui n'auraient plus besoin de se réincarner dans des corps de chair et de sang. Maintenant, je dois dire qu'à ce niveau-là, je crois que 90, oui, sans exagération, je crois que 95% des martinistes n'ont aucune conscience de cette réalité, sauf peut-être mon initiateur devait en faire partie, mais ça ne l'empêchait pas de rester dans l'ordre martiniste, pas en tout cas. Par contre, moi, ça va me créer une distance par rapport à l'ordre martiniste, en ce sens que, ayant découvert la magie démoniaque, qui est très puissante, le martinisme va me sembler trop fade, trop light, et donc je ne vais plus fréquenter le cercle, en fait, voilà, clairement. Enfin, en tout cas, pendant un petit temps. Et donc là, je vais. Avec la Golden Dawn, je vais arriver tout de suite, enfin, je vais terminer l'étude des grades de l'ordre extérieur. On va me remettre mon petit diplôme. Donc là, je crois que nous sommes, attendez, je ne dis pas de bêtises, oui, on doit être en 2008, oui, à peu près, oui, 2008. Je vais apprendre quelques temps avant qu'il existe un ordre qui s'appelle l'AA, donc A, trois points maçonniques, A, trois points maçonniques, mais qui pourtant n'a jamais eu de rapport avec la franc-maçonnerie, qui n'a aucun rapport avec la franc-maçonnerie, et qui, à mon avis, n'aura jamais aucun rapport avec la franc-maçonnerie, qui est un ordre de magie fondé par Aleister Crowley, donc 1875-1947. Donc par Aleister Crowley, qui a été lui-même membre de la Golden Dawn, et son système, l'AA, est tout simplement une réforme de la Golden Dawn. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de réunion de groupe, de loge ou de temple, tout se passe entre instructeurs et étudiants, y compris pour l'ordre intérieur. Hein, mais sauf que dans le système de Crowley, l'ordre extérieur est appelé Golden Dawn, est composé de 4 grades. Donc tout le savoir de la Golden Dawn, lui, il le réunit en 4 grades. L'ordre intérieur est appelé Ordre de la Rose-Croix. Et le troisième ordre est appelé ordre de l'étoile d'argent. Mais il faut savoir que Aleister Crowley ne donnera jamais la signification des lettres AA. Mais beaucoup vont traduire ces lettres par Astrum Argentum, pardon, c'est-à-dire astre d'argent, considérant que le troisième ordre s'appelle l'ordre de l'étoile d'argent. Mais enfin, vraiment, les puristes dont je fais partie, pour moi, nous ne savons pas ce que ces lettres veulent dire. Et donc, je vais chercher, et une fois que vous êtes... les maîtres passés se sont révélés, je les ai acceptés tels quels, ça va très vite. C'est comme si vous étiez pris en main, ou je ne sais pas quoi. Je vais tomber, je ne sais plus comment, par un Yahoo Group, ou je ne sais plus quoi, sur un instructeur brésilien qui va me démontrer par des scans de documents sa bonne filiation au sein de l'AA. Et je vais présenter mon diplôme de l'ordre extérieur de la Golden Dawn. Et donc, nous sommes donc là, je l'ai dit en 2008. Et donc, voilà, je suis admis au grade de l'ordre du premier grade de l'ordre de la Rose-Croix, qui est Adeptus Minor. Et je vais devoir traverser la première des deux crises du magicien. Il faut savoir que la Golden Dawn, il n'y a qu'une seule crise, tandis que dans la A, il y en a deux. Alors maintenant, pourquoi on appelle ça des crises, j'ai jamais compris. Mais enfin, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Dans le système de la Golden Dawn, tout comme dans le système de la A, quand vous arrivez au stade d'Adeptus Minor, vous devez établir le contact avec votre saint ange gardien. Et c'est un rituel qui dure 3 fois 28 jours et qui est inspiré d'un grimoire du 15e siècle, je crois, un grimoire de magie juive qui s'appelle la magie sacrée d'Abramelin le mage, mais qui est quasiment irréalisable parce que il faut vivre en ermite, il faut cesser de parler sauf vraiment si c'est pour une question de vie ou de mort, ou de très grand danger. Il faut dormir seul, donc faire chambre à part si vous êtes en couple. Il faut installer un oratoire avec une fenêtre à chaque point cardinal. Il faut que l'oratoire soit couvert d'un centimètre de sable prélevé à l'aube sur une plage, et j'en passe des meilleurs. Alors la Golden Dawn va retirer ce qui est vraiment essentiel de ce rituel et on va en proposer une version simplifiée. Aleister Crowley va en faire de même, en simplifiant encore un tout petit peu le rituel, mais pas beaucoup. Et donc, je vais quand même être soumis à ce rituel qui dure 3 fois 28 jours. Hein, 3 fois 28 jours, cela nous fait 3 fois 20, 60, ça nous fait 84 jours. Et il est vrai que à la fin du 84e jour, c'est vraiment la fin du rituel. Hein, après, je ne sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit, moi je le faisais. Ça m'amusait beaucoup. C'était déposer mon haleine sur un miroir ou sur les carreaux de la voiture. Je déposais mon haleine et puis je faisais un dessin avec mon doigt dans la buée. Eh bien, ça se passe comme ça, en fait. Vous êtes dans votre hôtel, vous déposez un miroir, vous êtes dans votre oratoire. Vous déposez un miroir sur votre autel, vous vous mettez face contre terre avec les bras en croix, et après avoir récité un flot interminable d'incantations et de prières, il y a effectivement manifestation. Moi j'ai vu une espèce de nuée quelque chose entre la nuée et un halo blanc, comme ça, dans l'oratoire, qui a duré, moi ça m'a semblé durer longtemps, mais je crois que ça n'a peut-être pas duré plus d'une minute, à mon avis, ou quelque chose comme ça. Et puis la nuée, enfin, disparaît. Et donc, spontanément, vous allez voir votre miroir, puisque vous ne savez pas que... le rituel ne vous dit pas pourquoi il y a un miroir, en fait. Et quand vous allez voir ce miroir, vous allez reconnaître ce qui vous a été enseigné plutôt dans l'ordre, c'est-à-dire un glyphe. C'est quoi un glyphe ? C'est une signature que chaque ange ou chaque entité a sa signature, et on appelle cela un glyphe. Et donc, il existe pour les membres de l'A ou de d'ordre équivalent, des référentiels pour savoir à quelle entité correspond tel glyphe. Eh bien, moi, je vais voir que mon glyphe correspond à une entité nommée Bétor. Voilà, Bétor. Et je ne vais rien trouver dans mes manuels théurgiques, donc parlant des anges. De toute façon, je savais déjà bien que j'étais quelque part, c'était uniquement par acquis de conscience que j'avais été allé voir. Parce que dans mes référentiels de démonologie sérieux, j'ai tout simplement découvert que Bétor est un démon. Et je vais vous dire qu'au point où j'en étais, ça ne m'a absolument pas perturbé. Donc ça, c'est la première crise. Il n'y a pas de deuxième crise dans la Golden Dawn, puisque vous ne pouvez pas aller dans le troisième ordre. Mais par contre, il y en a une deuxième dans le... Dans la, c'est quand vous devez aller dans le troisième ordre. Mais attention, parce qu'ici les choses vont fort se compliquer. C'est-à-dire que tout en travaillant activement dans la, je vais. Oui, je précise aussi que dans ce montage, je parle comme un PC, je vais être initié à la franc-maçonnerie, mais j'y reviendrai rien que dans une vidéo sur le sujet. Puisque la franc-maçonnerie, malgré ce que certains pensent, nous ne pratiquons aucune forme de magie. Et donc voilà, pour moi c'est un peu hors sujet par rapport à la vidéo. Mais bon, je précise qu'en dehors de mes pratiques magiques, les maîtres passés, quand j'avais reçu l'enseignement du frère brésilien. Une fois que je vais avoir terminé mon travail avec l'ange gardien, il va disparaître. C'est-à-dire que je ne vais plus jamais réussir à avoir de contact avec lui, si ce n'est qu'il me laissera une patente pour le Draconian Oteo, donc le Draconian Ordo Templi Orientis. Et si vous voulez en connaître plus sur l'Ordo Templi Orientis, Google et Wikipédia sont vos amis. Mais enfin, quand je lui demandais pourquoi il me laisse une patente, je vais lui demander pour avoir les rituels. Il va me dire, ah ben tu crées tes propres rituels, tu es complètement libre. Sur le moment, je vais dire, ouais, bon, c'est pas très sérieux son bazar. Mais en fait, beaucoup plus tard, j'apprendrai que le Draconian Oteo est une copie du Typhonian Oteo. Voilà. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que dans ma quête de l'Oteo, je vais tomber sur une organisation très peu connue qui s'appelle l'Ordo Templi Orientis Antiqua. Donc, ou Oteoa, où on appelle aussi l'Oteo franco-haïtien. Et donc, je vais être attiré fortement par cette organisation. Il est clair que les maîtres passés vont booster à fond pour aller vers elle. Et je vais trouver une adresse pour le siège social de l'organisation. Je vais écrire. Et en réponse, je reçois très vite une réponse d'une personne qui se présente comme étant le souverain grand maître, et qui va me dire que voilà, ça se passe, Les études durent 4 ans, le cursus dure 4 ans et c'est 800 euros par an. Mais si je paye d'avance, je ne paye que 600 et la quatrième année m'est offerte. Je me dis, non, moi, même 600 $, je ne mets pas 600 $ pour rentrer dans un ordre. Mais après, malgré tout, je vais apprendre que justement, suite à l'entrée en pouvoir de ce monsieur, beaucoup de grandes loges nationales de l'OTOA vont se désaffilier de l'ordre originel, donc elles vont faire scission et vont devenir toutes indépendantes. Et donc là, je vais partir pour un voyage qui va m'emmener en Pologne, en Allemagne, en Russie, pour terminer en Suisse, où je vais être initié directement à tous les grades de l'OTOA. Ça, c'est une première chose. Et je vais recevoir le fameux cursus, en version pirate, bien sûr, le fameux cursus de 4 ans, qui est donné par une organisation très secrète qui s'appelle, je peux donner son nom parce que vous n'arriverez jamais à entrer, enfin c'est très difficile d'entrer en contact avec eux, une organisation qui s'appelle le Monastère des Sept Rayons. Et je vous invite à vous focaliser sur l'appellation Sept Rayons, enfin soit. Et voilà, ici, mon ignorance, je vais commettre une faute grave. C'est-à-dire que quand je vais accepter l'initiation dans le TOA, je vais faire allégeance au démon de l'abîme qui est Coranzon. Hein, et en fait, là est le problème, c'est que dans la, quand vous arrivez au dernier grade, donc Adeptus Exanthus, qui est le dernier à passer, enfin, qui précède la traversée de l'abîme. Et la traversée de l'abîme consiste en fait à, pendant 3 nuits successives, invoquer des légions démoniaques, et les conjurer. Maintenant, il faut comprendre que, et ça, beaucoup font l'erreur en ésotérisme, invoquer et conjurer sont deux choses différentes. Invoquer, vous pouvez invoquer une entité, elle vient, elle se présente ou elle ne se présente pas, mais elle fait ce qu'elle veut. Tandis que quand vous conjurez, elle est obligée de répondre à votre appel et elle est obligée de faire ce que vous lui demandez. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque on conjure un ange, pardon, conjurer un ange, c'est souvent beaucoup plus dangereux que de conjurer un démon. Ça peut sembler bizarre, mais les anges sont des êtres, si je peux appeler ça, qu'ils sont des êtres tellement purs, tellement eux sont réellement purs et élevés, ben que vous, qui êtes impurs, comment pouvez-vous vous permettre de les invoquer, quoi? Donc, comme vous les avez conjurés, ils acceptent à votre demande, mais ensuite la facture à payer est terrible, quoi. Donc voilà pourquoi il n'est pas spécialement, je ne recommande pas la conjuration d'ange. Enfin, voilà. Mais voilà où va être mon erreur. C'est que en faisant ces conjurations, vous démontrez que vous dominez le démon Coranzon, qui est le démon gardien de l'abîme. Mais le problème, c'est que dans l'OTOA, sans vous en rendre compte, enfin si j'avais lu plus en profondeur, peut-être que je m'en serais rendu compte, j'avais fait allégeance à Coronzon. Donc c'est-à-dire qu'il m'a laissé passer l'abîme relativement tranquillement, pépère, quoi. On faisait tout un truc du rituel de traversée de l'abîme, mais chez moi, ça ne va pas être quelque chose de très perturbant. Au début, je ne vais pas comprendre pourquoi, mais je comprendrai très longtemps après qu'en fait, voilà, je m'étais fait piéger par Coronzon, en fait. Et donc, voilà, je vais parvenir au troisième ordre de l'AA. Qu'est-ce qui se passe à ce troisième ordre? Ben, vous arrivez au premier grade du troisième ordre qui est Magister Templi, donc maître du temple. Et là, vous avez accepté la loi de Téléma depuis longtemps, mais vous devez créer votre propre loi et votre propre système magique. Je connais des initiés qui ont créé leur propre système magique. Hein, je pense au sanctuaire de Thoth, Sanctuary of Thoth, qui est un ordre magique américain qui a été fondé par un avocat précédemment membre de l'AA et qui continue de plus à enseigner dans l'AA malgré son diplôme d'avocat. Oui, et moi je dois dire aussi, j'ai oublié de dire, chose importante, que lorsque j'aurai réalisé le rituel de l'ange gardien, je vais rencontrer très vite mon deuxième instructeur, qui sera une personnalité de la musique en France et sur le plan international, très connu. Et qui, malgré tout, malgré ses tournées et ses engagements, sera un instructeur de qualité et qui me guidera donc jusqu'au rituel de l'abîme. Et donc, après, je le dis, vous arrivez au premier grade de l'abîme, vous devez établir votre propre loi, et à ce moment-là, vous parvenez à l'avant-dernier grade qui est Magus. Et à ce moment-là, votre instructeur vous fait votre ultime diplôme, comme quoi vous êtes bien membre du Magus, membre du troisième ordre, etc. Et il reste quand même le dernier grade, qui est le grade d'Ipsissimus. Mais malheureusement, personne ne sait ce que c'est. Aleister Crowley en parle très très très très peu dans son œuvre. Il dit entre autre que le grade d'Ipsissimus, c'est accepter toute chose et son contraire comme étant à la fois vrai et à la fois fausse. Moi, ça me pose problème. Par exemple, si vous me dites la pédophilie est un crime, je suis d'accord, mais si le contraire est vrai également, la pédophilie n'est pas un crime, là, je suis pas d'accord. Donc, cette histoire de grade d'Ipsissimus, personne. En tout cas, aucun initié sincère qui comprend quelque chose. Je parle d'initié sincère parce qu'il y a des petits malins sur Internet qui se présentent comme étant Ipsissimus, mais les initiés réguliers de l'AA vous le diront, on n'a pas assez d'informations sur le sujet, on ne sait absolument pas ce qu'il faut faire pour atteindre ce grade. Il y avait Aleister Crowley qui le savait. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais enfin, je vais au niveau de ma magie. Oui, et à un moment donné, juste après ça, je vais vouloir retourner dans le groupe martiniste. Mais malheureusement, le grand maître de. Il y a plusieurs ordres à martiniste. Le grand maître de cet ordre-là sera mort, décédé, sans avoir pris le temps de nommer un successeur. Donc, je vais me retrouver dans un petit orphelinat. Avec quelques groupes. Je vais me retrouver dans un ordre martiniste sans grand maître, avec tout le monde qui veut dire calife à la place du calife. Donc l'ambiance va être très exécrable, on va me reprocher mon manque d'assiduité, bon ça je peux comprendre, et tout le monde va, les plus anciens vont chacun se réclamer comment vais-je dire moi, d'une ancienneté qui leur donnerait accès à la grande maîtrise, enfin soit. Mais là, les maîtres passés qui devaient notamment apporter la concorde et la paix, ils n'étaient plus là. On ne sait pas où ils étaient à ce moment-là. Donc voilà. Et moi, à mon niveau, j'ai la chance de ne pas avoir de jardin, mais bien carrément une propriété, avec un verger et tout ce que vous voulez. Et j'ai donc un gros bosquet comme ça sur ma propriété, avec un chemin qui passe dans le bosquet. Et je vais dans ce bosquet construire un temple en pierre, que je vais consacrer parce que je vais avoir l'idée complètement idiote que c'est moins dangereux de travailler avec des démons à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors que ça change rien parce que les démons, ils n'en ont pas au lieu où vous travaillez, c'est à vous qu'ils en veulent. Et ils vous suivent. Donc voilà. Et je ne vais même plus être dans la magie, je vais être dans le culte démoniaque, carrément, je vais plutôt être dans le culte. Et je vais demander, et il y a deux choses que j'ai demandé que je ne peux pas révéler, mais par contre, je vais demander, comme je crois tout magicien demande, c'est d'avoir de l'argent. Et figurez-vous que de l'argent, avec mon épouse, on va en avoir. Hein, parce qu'il faut considérer qu'à l'époque, j'étais déjà considéré comme invalide suite à de graves problèmes de santé, donc je ne travaillais plus. Je vais avoir le scénario quasi hollywoodien d'un arrière-oncle ou je ne sais pas quoi, qui habite en France, que j'ai jamais vu, et pour qui il ne reste plus que deux héritiers, et nous allons nous partager la vente d'un château. Donc, voilà, ça va quand même mettre du beurre dans les épinards. Puis malheureusement, il va y avoir un mouvement syndical au boulot, même si je ne travaille plus. Ils vont quand même devoir me verser des arriérés, parce que je travaille la nuit en fait. Et donc entre minuit et 6h du matin, on devait être payé plus. Mais ça n'avait pas été le cas, et un collègue avait intenté une action en justice du travail, au tribunal du travail, qui lui avait donné raison, hein, tout ça avec l'appui du syndicat. Je vais recevoir des arriérés sur toutes les années pendant lesquelles j'ai travaillé, donc ça va encore faire un beau petit paquet. Et puis malheureusement, ça va être deux personnes plus proches qui vont décéder. Mais encore une fois, cela va nous apporter beaucoup d'argent. Donc voilà, il faut savoir que l'argent, il ne tombe pas du ciel, il vient bien de quelque part. Et les démons, vous l'aurez compris, en général, ne vont pas très loin pour se servir. Et avec ma femme, nous allons commencer à fréquenter le beau monde, aller au restaurant quatre fois par semaine, à fréquenter des cercles comme ça, très, très bourgeois. On va être invité au Rotary, etc. Mais ça va être l'extérieur. Au niveau intérieur, nous allons complètement commencer à pourrir. C'est-à-dire que nous allons commencer à ne plus nous laver. Cela va sembler sortir de nos priorités. Nous n'allons plus faire le ménage dans la maison, les déchets vont s'accumuler, enfin ça va devenir un dépotoir, si bien que il va être impossible pour nous de recevoir des gens dans la maison, mais sans que nous nous en rendions compte, un peu comme si les choses étaient normales en fait. Voilà, j'ai trouvé, comme si les choses étaient normales. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous étions totalement, non pas sous possession démoniaque, mais sur ce qu'on appelle dans une infestation démoniaque, c'est-à-dire où les démons ne sont pas encore en vous, mais ils vous suivent partout, quoi. Et si les démons poussent à la saleté et à l'impureté, c'est parce que ce sont des choses dont ils se délectent. Donc voilà. D'ailleurs, pour illustrer ça, pendant toute une époque, mon épouse a travaillé dans un magasin de livres d'occasion et elle m'avait trouvé un livret d'exorcisme de l'église Maria Vitt. Et ça fait des années que je l'ai, maintenant ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Et là où les démons aiment l'impureté et la puanteur, autant où ce livre sent la fleur. Pourtant, mon épouse et moi fumons tous les deux, mais ce livre dégage encore aujourd'hui une odeur de fleur que nous n'arrivons pas à identifier, mais qui est très plaisante. Et donc, c'est le pendant inverse des démons, quoi, hein, donc voilà. Et puis, je connais un ancien magicien qui a dit que que Dieu pouvait se servir d'un âne pour prêcher. Et un jour, on va avoir bêtement un problème de chaudière. Et donc, je vais faire appel à une voisine à qui nous entendons bien. Parce que, attention, je n'accuse pas tous les chauffagistes et tous les plombiers d'être des arnaqueurs, mais il arrive souvent dans ces domaines que quand on remarque que vous ne connaissez pas grand-chose, on gonfle un petit peu la facture en remplaçant des pièces qui ne doivent pas être remplacées. Enfin, soit. Donc je vais lui demander si elle connaît quelqu'un de confiance, elle va me dire oui, qu'on téléphone à ce monsieur, tu téléphones de ma part, etc., etc. Donc je le fais. Ce monsieur vient à la maison, il prend deux photos de la chaudière et il part. Donc je dois le suivre, courir après. J'ai dit, monsieur, on fait quoi? Il dit, ah, je vous enverrai un devis. Je vais vous enverrai un devis par email. Ok, je me dis, une minute après, je me dis, mais je lui ai jamais donné mon adresse mail. Donc je lui téléphone. Et alors, il me dit, écoutez, monsieur, je n'ai pas osé vous le dire en face, mais vous vivez dans un dépotoir. Moi, il n'est pas question que je vienne travailler avec mes ouvriers là-dedans. Ah. Et ça, avec à mon épouse, ça va nous faire un tilt. Et on va se rendre compte dans quoi on est tombé. Et ce qui va être vraiment fou, c'est qu'on aura beau essayer de remettre la maison en ordre en jetant des sacs et des sacs et des sacs. Sac poubelle, on avait l'impression que le matin, quand on se levait, le désordre était revenu. Et c'était un peu le cas, en fait. Parce que tout ça, c'était pas de notre sort, c'était on était infesté de démons. Et donc, nous allons faire appel à une société qui aide les gens qui ont le syndrome de Diogène, hein, puisque bon, c'était plus ou moins ce qu'on avait. Sauf que nous, il y avait une dimension surnaturelle en plus, dont on ne fera pas part à l'organisation. Et donc, nous allons retrouver une maison impeccable. Moi, j'avais fait un rituel de purification pour bien enlever, faire enlever, partir les démons. Parce que dans ces histoires-là, il faut savoir qu'en général, vous avez affaire à des démons mineurs. Hein. Il y a toute une hiérarchie de démoniaques. Maintenant, attention, même un démon mineur peut faire beaucoup de dégâts, il ne faut pas se tromper. Mais en fait, quand il s'agit de les chasser, c'est beaucoup plus facile de le chasser qu'un démon qui est placé beaucoup plus haut dans la hiérarchie. Enfin, si vous avez des problèmes de ce côté-là, vous pouvez m'écrire, on pourra voir tous les deux si vraiment vous avez un problème et si c'est le cas, comment le résoudre. Depuis, je ne pratique plus de magie, de rituel de magie, mais je dois reconnaître que les maîtres passés sont toujours présents. Ils n'infestent plus ma maison, ils n'infestent plus mon esprit. Mais voilà, quand vous commencez là-dedans, c'est un peu mettre le doigt dans un engrenage que vous ne saurez jamais retirer. Et donc, il me guide encore parfois pour étudier des choses intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que... c'est intéressant et frustrant. J'ai malheureusement une pathologie qui fait que je n'ai plus de mémoire à court terme, très peu. Mais par contre, tout ce que j'étudie, je le retiens. Et tout ce qui touche à la spiritualité que j'étudie, je le retiens. Et ça, je sais très bien que je le dois au maître passé. Et donc, c'est pour ça que je tenais à être impartial dans ma vision. Tout n'est pas mauvais. Maintenant, je mets en garde solennellement, si on vous aide dans des histoires de maître caché, guide invisible, guide spirituel, frère aîné de la Rose Croix, chef invisible, maître... Si vous êtes dans des trucs comme ça, c'est 100% sûr que ce sont des démons qui sont à l'œuvre derrière, ça c'est sûr et certain. Ou alors maintenant, ce qui est très à la mode, ce sont les sept rayons. Il faut savoir que les sept rayons, là encore, on va vous présenter des gardiens et des machins, tout ce que vous voulez. Les sept rayons sont aussi une pratique qui relève du démoniaque. D'ailleurs, le monastère des sept rayons dont je vous ai parlé en est parfaitement au courant et œuvre dans ce sens-là. Voilà. Je vais finir ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je reviendrai pour une autre vidéo sur, je pense, l'OTOA ou Ordo Templi Orientis Antiqua. Je pense que ce n'est pas certain, mais en tout cas, si ce n'est pas ma prochaine vidéo, ce sera celle après.